Bonjour à vous tous, c'est le journal, la grande édition de cette mi-journée du 23 juillet 2019. En voici les grandes articulations. Les organisations de la société civile et confessions religieuses ont 10 jours pour se faire enregistrer auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour l'observation électorale, et cela à partir de demain. Ces organisations disent que ce délai est insuffisant, mais pour la CENI, il faut éviter tout ce qui peut conduire au changement du calendrier électoral déjà publié. Une vingtaine de familles du quartier 4 en zone Buterere se plaignent des intimidations subies de la part de leurs voisins policiers à la gâchette facile. L'administration locale déclare être au courant de cette situation. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Et le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a démissionné de son poste pour protester contre la décision prise par la présidence de la République. C'était la semaine dernière de gérer directement la riposte à l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Et dans la chronique santé ce mardi, nous parlons du traumatisme psychique avec des éclairages du neuropsychiatre Dr Sakou Silver. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. 23 familles du quartier 4 en zone Buterere sont menacées depuis 6 mois par leurs voisins policiers qui les intimident avec un fusil lorsqu'ils se croisent au robinet public. Même si ce policier nie ses accusations, affirmant que par contre que ces gens jettent des pierres sur sa maison la nuit, cette population demande aux autorités habilitées de prendre en main cette question. Les détails avec ce Ornella Mucho. Ce sont les habitants de la zone et quartier Buterere 2 de la 19e avenue jusqu'à la 21e rassemblée en train de se plaindre contre leurs voisins policiers. Arrivés à ce lieu, on observe des trous de balles dans le mur de l'une des maisons de ces habitants et ils confirment que c'est ce policier qui a tiré. Ils avancent qu'avant son arrivée dans ce quartier, ils cohabitaient dans la paix. C'est à son arrivée dans le quartier qu'on a entendu qu'il y a des personnes qui jettent des pierres sur des maisons. Il y a plus de 7 ans que j'habite ici. Et même durant l'emprisonnement de ces 3 personnes, ces coups de pierre ont continué. On comptait sur ce policier en ce qui concerne la sécurité de l'entourage. Mais le 16 mai, il a tiré toute la nuit. Des agents de la sécurité sont venus intervenir afin de calmer la situation. La population de cette localité dit être gravement menacée et lance un cri d'alarme aux administratifs et aux chargés de la sécurité de prendre en main cette question avant qu'il ne soit trop tard. La première fois, 3 personnes ont été arrêtées, dont l'un est mon enfant. La deuxième fois, il a arrêté 20 hommes et tous ont été mis dans la prison. Ce jour-là, les tirs étaient très nombreux. Nous pensons que c'était une attaque. Nous voulons connaître la cause de cette menace. Moi, par exemple, je trouve de quoi nourrir mes enfants grâce à ce robinet. Mais maintenant, il nous a chassés de ce dernier. Nous demandons que la sécurité soit renforcée. Du côté de ce policier, il fait savoir que les grognes de ces gens sont totalement faux et indique plutôt que parmi eux, il y a ceux qui jettent des pierres sur sa maison et demande lui aussi aux autorités de régler ce problème dans les meilleurs délais. Quant au chef de zone Buterere, signale qu'il a déjà reçu les plaintes de ces deux parties. Ernest Ndouimana promet que cette question va être bientôt résolue. Ornella Mouche, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, promet de réagir après ses propres investigations. Également dans l'actualité, certains habitants de la province de Bouvanza se lamentent d'être forcés de verser des contributions pour les élections de 2020 qui sont en train d'être collectées malgré la déclaration du président de la République le 1er juillet qui précisait que les contributions seront désormais volontaires. Le gouverneur de cette province explique qu'il y a une association de commerçants qui en ont demandé l'autorisation et pour ce qui est de la collecte qui est en train de se faire du côté du parti au pouvoir, le représentant des jeunes affiliés au CNDD-FDD dans cette province dit qu'il s'agit également des cotisations volontaire. Space Caritas Cabañana. Certains reçus donnés pour ces contributions montrent que c'est pour les élections de 2020. D'autres reçus, aussi destinés aux élections de 2020, viennent du parti au pouvoir, comme les membres de ce parti l'affirment. Certains habitants de cette province de Bubanza se lamentent disent que le président de la République a déclaré en date du 1er juillet cette année que les contributions pour les élections de 2020 seront désormais volontaires. Dans certains endroits, ces contributions sont actuellement collectées par le force, comme ça a été le cas autour des bornes fontaines de la colline Kagwema en commune Gihanga. Ce lundi matin, il fallait d'abord contribuer pour pouvoir puiser de l'eau selon les témoins sur place. Aussi, les passants entre Buhurika et Musigati ce mardi matin devraient d'abord donner leurs contributions pour continuer la route selon certains passants contactés. Le gouverneur de la province Bubanza explique qu'il y a une association des commerçants qui lui ont demandé une autorisation de continuer à collecter les contributions des élections de 2020. Terence Nobis Butoyi, gouverneur de Bubanza, demande à ses commerçants de le faire conformément à la loi et de ne pas obliger qui que ce soit à donner cette contribution par force. Pour les contributions aux élections de 2020 qui sont organisées au niveau du parti au pouvoir, Méthode Kouimana, représentant les jeunes affiliés au CNDD FDD, explique également que ces contributions sont volontaires et sont spécialement demandées aux membres de ce parti. Il précise également que ceux qui le font par force s'exposent aux sanctions. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, et je vous l'avais dit dans les titres, en délai de 10 jours à partir de ce 24 juillet, demain, a été octroyé aux organisations de la société civile et aux confessions religieuses pour se faire enregistrer auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour l'observation électorale. Certaines organisations estiment que ce délai est insuffisant pour compléter le dossier à déposer, mais la CENI dit qu'elle ne peut pas prolonger ce délai pour éviter des répercussions sur tout le calendrier électoral. La CENI a organisé une rencontre avec les leaders de ces organisations de la société civile et ceux des confessions religieuses. On écoute à ce propos le président de la CENI, Pierre Claver Kazis. La CENI, comme à son habitude, a tenu une réunion avec les partenaires électoraux. Aujourd'hui, c'était le tour de la société civile et des confessions religieuses. Ce jour, c'était pour pouvoir les inviter, pour ceux qui seraient, n'est-ce pas, disponibles, qui voudraient effectivement accompagner le processus électoral, les inviter à pouvoir, n'est-ce pas, se faire connaître. En fait, il s'agit d'un recensement qu'on veut mener, des associations et des confessions religieuses, qui voudraient effectivement entrer dans le processus d'éducation électorale et civique dans les prochains jours. Et il faut effectivement pour une bonne organisation que toutes ces associations, toutes ces confessions religieuses soient connues afin de pouvoir suivre leurs activités. Et bien sûr, c'est un travail volontaire. C'est pourquoi nous avons consulté et nous avons donné une fiche pour qu'ils puissent n'est-ce pas, remplir la fiche et nous allons consulter les données qui seront sur ces fiches-là pour pouvoir dire qu'effectivement, ces associations ont la capacité de pouvoir mener ces activités-là, les activités d'éducation et civique électorale et les activités d'observation électorale. Ces activités actuelles ne concernent pas les organisations extérieures. Pour les organisations extérieures qui voudraient participer à l'observation électorale, il y aura, n'est-ce pas, un temps pour elles, pour pouvoir effectivement aussi se faire connaître et pouvoir participer à l'observation électorale. C'était le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Kazihissé, dont les propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Santé dans l'actualité de ce 23 juillet. 26 kinésithérapeutes venant de différents hôpitaux et centres de santé du Burundi ont bénéficié d'une formation en physiothérapie. Et au cours des cérémonies de remise de certificats ce mardi, le docteur Marc Nimburanira, directeur de l'hôpital militaire de Kamenge, a dit que cette formation sera bénéfique pour la nation. On l'écoute. Nous avons organisé un séminaire de formation de nos kinésithérapeutes et lors de cette formation, nous avons préféré partager avec les kinésithérapeutes qui viennent d'autres structures médicaux du pays, que ce soit les hôpitaux de Bujumbura ou les hôpitaux de l'intérieur. La formation a duré 8 jours. C'est une formation qui a eu lieu avec l'appui d'éminents professeurs qui viennent de l'université Samuel Beckett de Californie et avec l'appui du gouvernement américain. Ça a été une formation riche des cours théoriques qui ont été dispensés. Il y avait aussi des cours pratiques sur des patients. Le but de cette formation, c'est dans le souci d'améliorer les connaissances de nos professionnels de santé, en particulier notre personnel de kinésithérapie, pour donner des soins de qualité aux patients qui viennent solliciter les services ici à l'hôpital militaire de Kameng. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de clôture. Nous avons remis les certificats. La formation s'est déroulée avec succès et nous espérons que ceux qui ont été formés en ont profité et que feront profiter des connaissances acquises aux patients qui viendront chercher à se faire soigner chez eux. Les lauréats de cette formation sont au nombre de 26. Il y en a ceux qui viennent de notre hôpital, il y en a ceux qui viennent structure de soins de la mairie de Bujumbura, mais aussi il y en a ceux qui viennent des hôpitaux de l'intérieur, comme l'hôpital de Kiganda, l'hôpital de Ngozi et l'hôpital de Chibitoke. Docteur Marc Nimura Nira, c'est le directeur de l'hôpital militaire de Kameng. Des travaux d'assainissement sont en cours sur l'ex-marché central de Bujumbura. Certaines gens y exerçant le petit commerce, notamment en face du bureau central de la Poste, disent que ces travaux ont commencé samedi dernier. L'association des transporteurs du Burundi, Atrabou en sigle, explique que ces travaux visent à préparer un parking provisoire pour les bus de l'agence Memento. Marie-Claire Kazeneza pour les détails. Arrivé à l'ex-marché central de Bujumbura, on aperçoit d'une part une partie entourée de tôles et d'autre part, on voit des personnes qui causent entre elles et d'autres qui apparemment sont en rendez-vous. En allant tout droit et puis en tournant à gauche, juste à l'endroit se trouvant en face du bureau postal, cet espace est en cours d'aménagement, les déchets sont à lever et d'autres sont entassés. Les arbres ont été coupés. Vers 10h de ce matin, ces travaux étaient au point mort, mais visiblement ces déchets collectés étaient en attente d'être dégagés. Certains individus exerçant leur commerce en face de cet endroit qui ne se sont pas exprimés à notre micro disent que ces travaux d'assainissement ont commencé samedi de la semaine dernière. Dans l'association des transporteurs du Burundi, Atrabou en sigle, une des associations qui est en train d'aménager cet espace, dit que cet endroit est réservé provisoirement au parking des bus de l'agence Memento, des bus qui ne sont pas encore arrivés au Burundi, qui serviront de transport dans les différents quartiers de la mairie. Ces travaux d'assainissement sont en train d'être faits par la Trabou, la mairie de Bujumbura et Memento, des travaux prévus d'être clôturés avec ce mois de juillet. Merci Marie-Claire. Du transport, toujours avec ces transporteurs des biens des personnes à vélo en zone urbaine de Kamengue, qui se plaignent aussi de verser une somme de 500 francs burundais collectée par l'association Solidarité pour les taxis vélos et le développement du Burundi. Et c'est de l'argent destiné à la coopérative dénommée Sangwe. Le représentant légal de cette association suggère aux personnes lésées de se confier à eux pour des éclaircissements. Les détails avec Charles Makoto. Ces conducteurs de vélo en zone urbaine de Kamengue indiquent ne pas avoir eu des explications préalables concernant le collecte d'un montant de 500 francs bourg et la destination de cet argent. Cette contribution de 500 flabou, on nous a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre de la création de la coopérative dénommée Sangwe. Nous n'avons pas été consultés avant la création de cette coopérative. Et en plus, adhérer dans la coopérative, c'est la décision volontaire. La collecte de cet argent aurait émaillé l'irrégularité. Il demande aux représentants des gardes de la solidarité pour le taxi vélo et le développement du Burundi, Sotave Debout, de fournir les explications relatives à cette collecte. Nous voudrions savoir des éclaircissements sur cette contribution. Par exemple, si quelqu'un change son métier de taxi vélo, à qui s'adresser pour réclamer l'argent qu'il aurait contribué? Une réunion d'information a été tenue, dit Amos Habdarimana, représentant de la SOTA Devebu, à l'égard des membres de l'association. Nous avons tenu une réunion pour la coopérative Sangwe. Nous nous sommes convenus que chaque trimestre, on dresse un rapport des cotisations collectées. Ces 68 membres sont ceux qui sont prêts pour le projet. On n'utilise pas de force. Amos Abdiaïmana appelle ceux qui ont des doutes sur cette contribution de se diriger au siège de la dite organisation. Vous voudrez bien nous excuser pour ces petits problèmes de montage de cet élément sonore. L'actualité également reste marquée par la pénurie de carburant de type essence et mazout également, qui perdure en Gozi. Des véhicules passent des jours aux stations-service en attente de ce produit. Au marché noir, le litre et demi coûte 10 000 francs burundais. Une des conséquences de cette situation est que même ceux qui vont enterrer les leurs ne sont accompagnés de personne. Les propriétaires des véhicules de transport déplorent naturellement que leurs activités quotidiennes sont perturbées. Apollinaire Muzagara. L'exemple illustratif est la station BIP 6 à l'endroit communément appelé à la ferme où les véhicules font la queue depuis 3 jours alors que le dernier approvisionnement en carburant date de 3 semaines. Les propriétaires de ces véhicules disent qu'ils les garent à la station lorsqu'ils entendent des rumeurs faisant état d'un camion citerne en route vers les stocks d'approvisionnement sans même être au courant de la date de retour. Il y en a qui passent même une semaine, déplorent-ils. Des lamentations s'observent particulièrement chez les propriétaires de véhicules et motos de transport, en l'occurrence les Probox, Yas et autres. Ces derniers disent avoir du pain sur la planche à nourrir leur famille. Des grognes font parler d'elles également chez les propriétaires des camions Fuso qui approvisionnent la ville d'Ongozi en huile de palme en provenance d'Oromongue, ainsi que chez certains projets opérant sur terre. Conséquence, les prix de transport ont doublé car le litre d'essence coûte environ 7 000 francs au marché noir. Les propriétaires de ces véhicules et motos demandent une solution urgente à ce problème avant qu'il ne soit tard. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez à Kinshasa comme à Khartoum. L'actualité internationale, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a démissionné de son poste pour protester contre la décision prise par la présidence de la République la semaine dernière de gérer directement la riposte à l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Dans sa lettre de démission au président congolais, Oli Ilunga a dénoncé ce qu'il a appelé « ingérence dans la gestion de la réponse à l'épidémie d'Ebola ». L'homme qui a été ministre de la Santé pendant près de 3 ans était manifestement contrarié par la création d'un secrétariat technique qui relèverait désormais directement du président Félix Tshisekedi. Ilunga a également critiqué les pressions extérieures en faveur de la mise en place d'un deuxième vaccin Ebola qui, selon lui, n'est pas adapté car il faut de 2 doses en 2 mois pour être efficace. En plus des désaccords politiques, la lutte contre Ebola fait face à 2 énormes défis, la suspicion et la méfiance. De nombreuses personnes hésitent encore à se signaler aux agents de santé lorsqu'elles tombent malades. L'épidémie d'Ebola qui a débuté en août dernier et qui est la deuxième la plus meurtrière de l'histoire du Congo a tué plus de 1700 personnes jusqu'à présent. Et le président sud-soudanais Salva Kiir a interdit que l'hymne national du pays soit joué ou chanté en son absence. L'argument du président du Soudan du Sud est que l'hymne national est utilisé de manière abusive par certains responsables gouvernementaux. Selon le ministre de l'Information, Michael Makuei, l'hymne est joué lors de cérémonies où il y a un ministre, un sous-secrétaire et même lorsqu'il y a un gouverneur. L'interdiction proclamée par le président Salva Kiir a été approuvée vendredi lors d'un conseil des ministres, comme l'a précisé le ministre, selon laquelle il existe 2 exceptions à la règle, les écoles où les enfants apprennent l'hymne national et les ambassades à l'étranger. Le ministre de l'Information a également indiqué que les responsables militaires n'ont désormais plus le droit de s'adresser au public en uniforme. Le ministre de l'Information n'a pas détaillé les peines prévues en cas de manquement à ces nouveaux arguments. Place maintenant à la chronique santé, comme annoncé déjà, c'est pour parler du traumatisme psychique. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, le traumatisme psychique, c'est l'ensemble des dommages d'ordre psychologique et psychologique. Le neuropsychiatre Sylvère Sakoubou explique qu'il s'agit d'une blessure qui résulte d'un événement dramatique subi dans la vie de tous les jours. La personne traumatisée se fait remarquer par son changement de comportement qui conduit souvent à la brutalité. Les détails avec Francine Ndihokugayo. Le traumatisme psychique ou psychologique se définit comme étant une réaction émotive persistante. Il résulte des événements éprouvants de la vie, en famille ou dans la société. Explication du neuropsychiatre Sylvère Sakoubou. En termes techniques, on dirait que c'est une blessure. Une blessure au niveau psychologique. C'est une blessure qui se fait au niveau de la mémoire. Ces traumatismes au niveau de la mémoire, ça passe par les organes de sens essentiellement. Et deux organes de sens sont importants à l'entrée du traumatisme psychologique. Ce sont les yeux, la vue, ce que nous voyons, la vie de tous les jours. D'ailleurs, ça passe par les yeux. Et les yeux, c'est la fenêtre du cerveau. Ce que l'on voit s'entre directement dans la mémoire. Et ce que l'on entend s'entre directement dans la mémoire. Alors, ce que l'on voit dans la vie de tous les jours, et ce que l'on voit, hein, c'est dans les familles, ce que l'on voit. Comment les repères, les référentiels, c'est-à-dire le papa et maman, se comportent vis-à-vis des enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent à leurs enfants. Et puis, eux aussi, ils ont des yeux, ils ont des oreilles pour entendre et pour voir. C'est très fondamental. Et c'est parce que justement ces deux organes de sens que le traumatisme psychologique peut entrer au niveau du système nerveux central. La personne traumatisée manifeste un comportement souvent brutal. Le docteur Sakubu parlait des problèmes relationnels au sein de la société. Il suffit de voir justement le comportement des gens, la façon dont nous parlons, la façon dont nous entrons en relation avec nos semblables. Quelqu'un qui est traumatisé, vous allez voir justement qu'il a des difficultés relationnelles au niveau même des membres du système familial. Et là, quand il entre en difficulté, il y a quelqu'un qui est irritable, qui est rigide, il n'a plus de souplesse. Et puis par après, il y a d'autres phases de complications, justement, que le traumatisme, justement, a longtemps duré. Ça finit par affecter justement la santé mentale de l'individu. La catégorie des adolescents est la plus touchée par les traumatismes psychologiques. N'importe quel type de catégorie de la société peut être touchée par le traumatisme psychologique. Mais vous comprenez très bien que les complications au niveau des enfants, au niveau des adolescents, au niveau des adultes, ce n'est pas la même chose. Et les adultes, ils sont déjà structurés, ils sont déjà mûrs, ils ont une certaine maturité. Ce n'est pas la même chose qu'un enfant. Est beaucoup plus compliqué justement au niveau de l'adolescence. Parce que l'adolescence, comment elle se définit? C'est une phase transitionnelle. C'est transitionnelle entre quoi? L'enfance et l'âge adulte. Et c'est pendant justement quand le traumatisme vient se combiner avec cette phase transitionnelle qu'on appelle l'adolescence, et c'est la catégorie, on voit que c'est la plus touchée par les traumatismes psychologiques. Le traitement d'un traumatisme psychique à un stade de beaucoup plus précoce permet de guérir sans séquelles. Sinon, la personne peut se sentir exclue de la société et finir sa vie dans la dépression. Nous y reviendrons dans notre prochaine chronique santé. Merci Francine, merci docteur Sakubu Silver pour ces éclairages sur le traumatisme psychique. Ainsi se referme ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Elie Nibel Nibigira pour la réalisation. Ce journal a été mis en onde par Dorine Ouimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana, nous souhaitons de passer un très bon après-midi.